L'actualité à Nancy et ailleurs. Faire ses courses zéro déchet à Nancy, eh bien c'est possible et c'est ce qui sera démontré à l'occasion d'une rencontre. Ce sera le mercredi 28 février à la taverne de l'Irlandais à partir de 20h. Camille, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole de l'association Zéro Déchet Nancy qui organise ce rendez-vous. Avant de parler de ce qui va se passer le 28 février, présentez un peu cette association qui est assez récente sur Nancy. C'est ça, on s'est créé le 16 décembre dernier et on commence à faire des rencontres tous les mois. On peut échanger sur plein de thématiques. Et le but, c'est de promouvoir le zéro déchet auprès des habitants de la métropole du Grand Nancy. Alors comment c'est venu l'idée de cette association ? En fait, on est plusieurs à avoir une prise de conscience et de s'être dit, on produit beaucoup de déchets, c'est 560 kilos par habitant et par an qu'on produit. Et on a eu cette espèce de prise de conscience et on a eu besoin, quand on se lance dans une démarche où on veut réduire ces déchets, de partager et de se mettre en collectif. Donc il y a déjà eu un collectif où on dialoguait sur Facebook. Et après, comme on voulait monter des actions qui étaient vachement plus poussées, on avait besoin d'une association. Voilà, tout simplement. Vous êtes combien aujourd'hui ? On a une trentaine d'adhérents. Ouais. Et ça augmente tout le temps parce qu'on fait de plus en plus de rencontres publiques. Donc ça augmente vraiment beaucoup, beaucoup. Vous faites aussi partie d'un réseau, Zero Waste France. C'est ça, Zero Waste France. Donc là, ça réunit vraiment beaucoup de groupes locaux qui ne sont pas forcément en association et d'associations partout en France qui ont la même démarche que nous. Et on mène des actions beaucoup plus poussées au national pour que les choses changent aussi à ce niveau-là. Le point commun avec toutes les actions que vous allez proposer, c'est quoi ? C'est la pédagogie ? La sensibilisation ? C'est ça, c'est la sensibilisation, mais vraiment douce. Le but, c'est pas de culpabiliser les gens et de dire ce que tu fais, c'est pas bien. Le but, c'est de leur expliquer qu'il y a d'autres façons de faire qui peuvent ne pas être très compliquées à mettre en place parce que ça passe à terme par un changement d'habitude, et un changement d'habitude, ça prend du temps. On n'arrive pas en personnes parfaites qui avons réduit totalement nos déchets, de toute façon c'est pas possible, on arrive en tant que citoyen qui avons envie d'aider à changer les choses et d'accompagner les gens à le faire. Donc vraiment c'est sensibiliser aussi bien des publics comme les commerçants, les étudiants, les retraités, ou d'échanger aussi sur nos pratiques, et enfin de monter des projets autour de la valorisation des déchets, c'est-à-dire au lieu de jeter des objets dont on n'a plus besoin, faire en sorte qu'ils soient réutilisés ou qu'ils soient donnés de façon vachement plus intelligente que si on le mettait dans une poubelle. Parmi justement ces actions, il y en a une qui s'approche tout bientôt, c'est ce mercredi 28 février. Et là, donc, vous allez démontrer comment faire ses courses zéro déchet à Nancy avec trois initiatives locales. Oui, parce qu'on fait nos courses souvent au supermarché et il y a beaucoup de produits qui sont suremballés malheureusement. Et il y a des alternatives qui existent. Et ça nous permet, nous, de devenir consommateurs, de plus créer du déchet, parce qu'au final, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et il y a des épiceries qui ont ouvert, qui proposent du vrac, c'est-à-dire qu'on vient avec nos propres contenants, ou alors on en récupère sur place et on achète des produits secs. Pour l'instant, c'est pas pour les produits frais. Et il y a du coup des By Day qui est au Faubourg des Trois Maisons et le Gramme de Folie qui est quartier Mont-Désert, et qui sont deux entrepreneuses qui permettent d'acheter sans emballage, qui est quand même une bonne chose. Et ensuite, on a une jeune maman qui crée des tissus, notamment des sacs de vrac, qui permettent d'acheter, par exemple, nos fruits au lieu de prendre un plastique. On a notre sac en tissu qui est super joli en plus, donc c'est top. Et donc, elles vont nous présenter un peu tout ça. Et en plus, le petit bonus, c'est qu'on va proposer des bocaux aux participants et ils vont pouvoir le customiser pendant la rencontre et repartir avec pour commencer dans la démarche. Parce que ces bocaux serviront à aller faire ses courses dans ces épiceries locales. C'est ça, parce qu'en fait, quand vous arrivez dans l'épicerie, les personnes font la tare, c'est-à-dire qu'elles pèsent votre bocal pour pas que vous payiez le poids de votre bocal, ce qui serait dommage. Et ensuite, vous allez vous servir dans les silos qui sont proposés. Il y a vraiment beaucoup de choix, plein de choses, du bio et du non-bio. Enfin, vraiment, c'est assez large au niveau des choix. Et après, on pèse et vous payez que ce que vous prenez. Donc, c'est quand même vachement avantageux à ce niveau-là, niveau prix, parce que si on a besoin d'un tout petit peu, par exemple, de graines de courge pour faire un cake, on achète que les 10 grammes dont on a besoin et on ne se met pas un sachet de 150 grammes qu'on n'utilisera peut-être pas au final. Alors comment ça va se passer mercredi prochain ? Alors c'est à la taverne de l'Irlandais, donc c'est dans le caveau si vous êtes déjà allé à la taverne. Et l'idée c'est de présenter un peu le principe du zéro déchet, de l'association, des actions qui sont menées. Et ensuite les trois personnes qu'on a invitées, qui sont toutes des femmes, c'est un peu le hasard, elles vont présenter un peu leurs actions, ce qu'elles font, pourquoi elles le font. Il y aura un temps d'échange, de questions-réponses qui est très important pour que les gens comprennent et s'approprient la démarche. Et ensuite on customisera des bocaux, on a des feutres qui, si on passe le bocal au four juste après, ne partent pas au lavage. Donc on peut marquer ce qu'on veut dessus et c'est quand même sympa, donc on fera ça et ça permettra aux gens de aussi échanger sur la démarche au global, pas que pour les courses, mais s'ils ont envie d'en parler, c'est le but de nous rencontrer et d'échanger autour d'un verre. Alors pour ce rendez-vous, est-ce qu'il faut s'inscrire ? C'est mieux de s'inscrire. C'est mieux. Ça nous permet de mieux nous organiser tout simplement. La dernière fois, on manquait un peu de chaises par exemple, donc c'est juste vraiment question organisationnelle et puis ça permet que... Si, quand on a terminé l'action, on puisse envoyer un bilan aux participants. S'ils s'inscrivent, on a leurs coordonnées. Et donc, ils ont la suite de l'action qui est donnée par mail après. Donc, il faut juste aller sur l'événement Facebook, comment faire ses courses zéro déchet, ou sur la page Zéro Déchet Nancy, et vous trouverez les moyens de vous inscrire. Et puis de se tenir au courant peut-être des prochains rendez-vous ? C'est ça, il y en a un par mois. Je crois que mars, ce sera autour de la salle de bain zéro déchet. Oui. Et vraiment, tous les mois, on aura une rencontre qui sera dans un bar tant qu'il fera froid et à terme qui sera par exemple dans un parc. On pourra organiser des pique-niques zéro déchet, ce genre de choses. Pour l'instant, on se met bien au chaud. Et il y a plein d'autres choses qui arrivent au niveau de nos actions. Donc il faut suivre de très près parce qu'on commence à faire de plus en plus de choses. Eh bien, de belles initiatives en tout cas. Camille, merci. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.